franceinter.fr. Bonsoir. Aujourd'hui, dans Autant n'importe l'histoire, je vous invite à rencontrer un célèbre inconnu, un homme dont on aurait aimé être l'ami, le poète Robert Desnos. Desnos, mais oui, bien sûr, une fourmi de 18 mètres de long avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Une des plus célèbres comptines de son recueil Chante-fable, écrit en 1944. Robert Desnos, un poète pour enfants alors? Cette étiquette, méprisante autant pour les enfants que pour le poète, a longtemps collé à son nom, occultant du même coup le reste de son œuvre, foisonnante, mystérieuse, drôle et grave, délirante et lucide. Une poésie à redécouvrir d'urgence. Il y a des artistes dont il vaut mieux ne connaître que l'œuvre. Robert Desnos n'est pas de ceux-là. Être un homme et aimer la vie, telle était sa devise. Et ce n'était pas que des mots. Lui qui aimait profondément l'amour et la liberté, qui s'émerveillait à juste titre des fourmis de 18 mètres de long, sut, face au défaitisme triomphant, faire preuve de lucidité et même de courage quand sous l'occupation sonna l'heure des périls. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Anne Egger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art, une des meilleures spécialistes de Robert Desnos, à qui vous avez consacré une biographie devenue une référence. Donc c'est du Robert Desnos, poète et résistant, que nous allons parler ce soir, un engagement qu'il va payer de sa vie, puisque arrêté en février 1944, il va être torturé par la Gestapo, puis déporté dans les camps nazis, où il mourra le 8 juin 1945, à l'âge de 44 ans. Robert Desnos est mort jeune, hein, dans la force de l'âge. On n'ose imaginer ce qu'il aurait pu vivre, tout ce qu'il aurait pu vivre s'il n'avait pas eu cette mort brutale. L'histoire que je vais raconter dans quelques minutes se déroule pendant l'occupation. Mais j'aimerais, Anne Egger, que vous nous rappeliez qui était Robert Desnos avant que la guerre éclate en 1939. Alors, si on veut résumer son parcours en quelques phrases, c'est d'abord un jeune Parisien du quartier des Halles, enfin entre République, Bastille et Les Halles, un petit Parisien qui a décidé de devenir poète très jeune, à l'adolescence. À 16 ans, il dit à son père « Je veux devenir poète ». Et son père le met à la porte. Il lui dit « Va travailler ». Va travailler et si tu réussis à vivre et à gagner ta vie, tu pourras faire ce que tu veux. Un milieu populaire, hein, quand même, c'est ses parents. Oui, petite bourgeoisie commerciale. Son père était mandataire au Halles, enfin bon. Et très vite attiré par la poésie, mais peut-être aussi grâce au début du cinéma. Je crois que la poésie vient aussi des films ou des séries comme Fantomas ou des choses comme ça, enfin... Il a aussi la chance très vite de rencontrer les surréalistes et de faire partie du groupe et d'en devenir un des principaux piliers dans les premières années. Oui, des rencontres en 1922, je crois. C'est ça. Ils sont très jeunes tous. Ils ont tous une vingtaine d'années. Ils ont pour la plupart participé à la Première Guerre mondiale, sauf Desnos qui était encore trop jeune. Mais en 22, il les rencontre et tout de suite, il fait partie de cette aventure qu'on appelle les sommeils hypnotiques. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est des moments où les poètes, enfin, les groupes surréalistes ont essayé de, via l'auto-hypnose, de voir ce qu'ils se cachaient en eux, comme de la poésie, ou des phrases, ou des dessins, ou, et Desnos était un des meilleurs candidats. Et Breton disait à ce moment-là qu'il était le prophète du surréalisme. Il écrit donc ses premiers poèmes, ses premiers recueils. Alors, il a publié déjà, assez vite. Il a déjà écrit des poèmes avant de rencontrer les surréalistes. Mais il ne les publiera que plus tard. Mais lui, donc, il doit travailler pour vivre, il ne vit pas que de sa plume. Ah, il ne vit pas du tout de sa plume, il travaille dans des magasins, il a même été comptable à une époque. Mais il prend son temps pour créer et pour rencontrer d'autres créateurs. Oui, et puis il a d'autres cordes à son arc. Il va se découvrir un talent de critique de cinéma, critique de disques, et il va même faire de la radio. Alors oui, il a besoin de travailler, donc, malgré ce que disait Breton, qu'il ne fallait pas travailler dans la presse. Peut-être que lui avait les moyens de ne pas le faire. Oui. Et donc, Desnos devient journaliste. Critique littéraire, oui. Critique discographique, c'est un grand collectionneur de disques, grand mélomane. Même s'il chantait faux et qu'il n'avait pas l'oreille musicale, il adorait la musique. Et aussi critique de cinéma. Et après, dans les années 30, il va rencontrer le monde de la radio en plein essor et travailler avec des gens qui lui permettront de mettre en onde et en son différentes histoires, différents domaines autour de la musique, de l'histoire, du patrimoine et de la publicité. Comment est-ce que vous pourriez définir sa poésie ? Cet homme qui est si proche à la fois de la culture populaire au sens assez large ? Alors c'est une poésie qui à la fois, enfin je dirais au début, assez révolutionnaire dans le sens où il joue avec les mots, il détruit la syntaxe. Et au fur et à mesure du temps, les poésies écrites pendant la guerre sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus sérieuses, je dirais. Mais avec un côté populaire au départ, c'est certain. Il connaît très bien l'argot, mais il connaît par cœur Victor Hugo. Enfin, il est très ouvert à tout ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant. Robert Desnos est aussi un grand amoureux, même si c'était pas, comment dire, par le nombre de ses conquêtes qu'il était amoureux. Je pense que c'était un homme très fidèle. Il a eu deux grands amours dans sa vie, vous me contredirez. Peut-être Yvonne et Yuki, deux femmes avec des Y. Oui, je crois que Desnos était profondément amoureux de ces deux femmes-là, profondément respectueux des femmes. Il avait besoin de personnalités fortes. Il était un peu sentimental, un petit peu masochiste aussi peut-être, parce qu'il a aimé grandement des femmes qui n'ont pas toujours été à la hauteur. Des femmes qu'il aimait moins. Qu'il n'aimait pas comme il aurait aimé. Anne Eger, je propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes, le temps d'écouter La prophétie de Robert Desnos, un texte de Gabriel Dufay, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Cédric Ossir. J'ai vécu dans ces temps, et depuis 1000 années, je suis mort. Je vivais, non déchu mais traqué. Toute noblesse humaine étant emprisonnée, j'étais libre parmi les esclaves masqués. J'ai vécu dans ces temps, et pourtant j'étais libre. J'étais libre. Pourquoi avoir écrit ces vers au passé ? J'ai vécu dans ces temps. Oui, ils sont terribles, les temps que nous vivons, mais enfin, est-ce une raison pour m'imaginer mort, pour prévoir le pire ? Ah, cette manie que j'ai d'écrire des prophéties ! Bientôt 44 ans dans ce monde à la dérive. L'inquiétude me gagne depuis 3 ou 4 jours. Je ne sors plus de chez moi, je relis mes poèmes, et les fantômes reviennent. J'ai peur pour Yuki. J'ai peur de ce qui va arriver. J'ai peur de devoir la quitter. Allons. Allons, Robert, chassons ces idées noires. Aïe, ah, cette douleur à l'épaule, c'est insupportable. Enfin, il suffit que je n'en tienne pas compte. La douleur et la peur sont mauvaises instigatrices. Et malgré tout ce que nous endurons, je ne peux pas me plaindre. Je continue de sourire à la vie avec une joie infinie. Tiens, voilà un bon sujet d'article, la joie. Que chaque jour t'apporte sa joie. Au besoin, provoque-la. Prémédite-la. L'homme n'est homme que de sa naissance à sa mort. Avant comme après, il n'est que matière. Même si dans cette matière est déterminé son destin d'homme. Pas mal, ça. Encore qu'il faudrait préciser. Mon destin est écrit après ce que j'ai fait. Je n'ai plus qu'à attendre qu'il vienne m'arrêter. Ah, pourquoi faut-il que je m'inquiète comme ça ? Cette vie est un combat, mais elle est aussi absolument merveilleuse. Souviens-toi, Robert. Le quartier Saint-Merry, le surréalisme, Fantomas, corps et biens, la liberté et l'amour, Calixto, Yvonne, Yuki, la mystérieuse, les ténèbres, la résistance. Et maintenant, l'état de veille. Je suis bon pour une nuit blanche, moi. Paris, 21 février 1944. Que craint Robert Desnos ? Chantre du surréalisme, poète de l'amour et des fantômes, pour se livrer à cet étrange retour sur lui-même. Engagé dans la résistance, il vit comme un homme traqué. Depuis quelques mois, Paris occupé est devenue la capitale de la résistance. Les attentats anti-allemands se multiplient, alors qu'en face, l'occupant et la milice mènent une répression de plus en plus intense et sauvage. Retour en arrière, en août 1940. Le soldat Robert Desnos, âgé de 40 ans, revient à Paris. Mobilisé en septembre 1939, il a passé 9 mois à attendre sur un front désert. Puis, comme tous les Français, il a vécu avec stupeur l'invasion allemande, la défaite et la mise en place du régime de Vichy. Le 22 août 1940, sans ressources et démobilisé après l'armistice qui lui a laissé un goût d'amertume, le poète découvre l'occupation dans un Paris pavoisé aux couleurs du Troisième Reich. Heureusement, il retrouve chez lui au 19 rue Mazarine sa compagne Yuki, dont il est follement épris depuis 1930. Yuki, ma douce sirène, ton hippocampe est de retour. Oh Robert, t'es là. Oh, j'avais bien besoin de tes bras et ta grande gueule, comme tu m'as manqué. Toute la journée, je vois des cons qui bavassent et tendent l'oreille à ce qu'on raconte. Oh, Flore, oh, de Mago, on dirait qu'ils sont prêts à vous dénoncer au moindre faux pas. Ne fais pas attention, ma chérie. Quand les temps sont noirs, les porteurs de cafards se réveillent. Ces gens-là vous feraient crever et finiront par en crever eux-mêmes. De mon côté, je viens de voir Janson, qui lui est un ami, un vrai. Il ne transige pas. Il va fonder un journal d'opposition en septembre. Et figure-toi qu'il m'a trouvé du boulot dans son journal. Ah, oh, chic alors, je suis contente pour toi, Robert. Je t'avais bien dit qu'on s'en sortirait. Et tu sais quoi? J'ai été nommé chef des informations. Alors comme ça, toi aussi, tu vas bavasser. Non, j'ai une carte blanche pour écrire des articles quotidiens. Je vais tout faire pour emmerder Hitler et les Allemands. J'ai déjà trouvé le titre de mes chroniques. La revanche des médiocres. Mon petit Robert, tu n'arrêtes jamais. Fais attention quand même à ne pas dévoiler tes opinions dans tes articles. Il s'agit de ne pas se compromettre. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je n'écrirai pas tout ce que je penserai, mais je penserai tout ce que j'écrirai. Eh, dis-moi, ton poste, ça va te rapporter combien? Eh bien, pas assez pour combler tes folies, naturellement, mais suffisamment pour te faire des petits cadeaux de temps en temps et pour nous permettre de survivre. Ceci dit, fais attention à tes dépenses, Yuki, hein. Quand c'est pas des robes, c'est une bouteille de Grand Cru, des bijoux. Et puis, si tu faisais pas autant la bamboche... Ah, dis donc, tu vas pas encore m'enguirlander. Si tu crois que c'est drôle de devoir toujours compter, de pas pouvoir vivre comme on veut. D'abord, moi, je suis une femme libre. Tu me rappelles Fujita qui voulait me faire aller droit. Fallait pas tomber amoureux d'une femme libre si tu voulais pas souffrir. Il est un peu tôt pour du vin rouge, non, ma chérie? Ah, mais tu vas pas en plus me remonter les bretelles sur l'alcool? Ne me dis pas ce que je dois faire. Je te reprends pas sur les andouillettes que tu t'enquilles dès le matin. Tu m'emmerdes, Robert. Mais qu'est-ce qui te prend? Je te faisais juste une remarque en passant. Ouais, bah ta remarque en passant, elle commence à me courir. Surtout quand on s'est pas vu pendant 9 mois. Oui, tu as raison. Pardonne-moi, ce n'est pas toujours facile, mais tu es Mayuki. L'amour et moi l'auront voulu ainsi. C'est vrai, c'est plus que vrai, c'est écrit. Je te pardonne, mon poète. Tu te souviens quand tu nous as rencontrés, Foufou et moi? En parlant de Fujita, j'aimerais vraiment que tu ne portes plus ce nom, Yuki Fujita. Car pour moi, tu es Yuki Desnos. Quand je pense qu'en réalité, je m'appelle Lucie Badou, bah Yuki Desnos, ça sonne bien. Il y a que ça pour te faire plaisir. Tu sais, tu seras toujours un précurseur, Robert. Il n'y a que toi de bien, de pur, de noble, de vraiment génial dans ce monde. En septembre 1940, Henri Janson, écrivain, journaliste et scénariste français à la plume virulente, fonde en effet le journal Aujourd'hui en compagnie de Robert Perrier. Desnos s'y tient des rubriques où il traque l'injustice et se livre à des attaques à peine voilées contre Vichy et ceux qu'il nomme les médiocres. Le 14 septembre, sous le titre « J'irai le dire à la commandantour », il stigmatise les délateurs et incite les Français à faire preuve de plus de décence. Ainsi, il y a dans Paris une bande de pauvres gens acharnés à embêter leurs semblables. Jadis, on menaçait du juge de paix, de l'huissier, du commissaire. Maintenant, ces bonnes âmes menacent de la commandantour. La commandantour est la dernière incarnation de Croque-Mitaine. Il existe une forme nouvelle de sottise et de méchanceté humaine qui consiste à dire « j'irai le dire à la commandantour. » Il faut que les amis de Croque-Mitaine se le tiennent pour dit. Croque-Mitaine et la commandantour ont tout autre chose à faire que de s'occuper de leurs petites querelles. Autre chose à faire que de les recevoir. Desnos, avec une certaine inconscience, prend dans le journal des opinions de plus en plus tranchées, voire polémiques. Le gouvernement et l'occupant s'en mêlent. Henri Janson, refusant de prendre des positions anti-juives, est dénoncé et arrêté en novembre 1940. Le journal tombe alors sous la coupe de l'occupant, qui place un collaborationniste à sa tête, Georges Suarez. Desnos reste au journal et doit se limiter à des comptes rendus littéraires, des billets non signés. Il tâche toutefois de maintenir une certaine liberté d'expression. Printemps 1941. Bah alors, Robert, c'est à cette heure-là que t'arrives ? T'as pensé au rôti de porc, au moins ? Yuki, ma chère Yuki, c'est une tragédie. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça va mal. Ah, ça va mal. Le beefsteak est en cheval, et même plus fort que le roquefort. Il y a des punaises dans le rôti de porc. Il y a des pupus, il y a des nénesses, il y a des punaises dans le rôti de porc. Mais j'ai une petite chose pour toi. Oh, une étoile de mer. Où est-ce que tu l'as trouvée ? C'est l'étoile du film de Man Ray ? Non, grand Dieu, c'est la tienne. Une sirène doit avoir son étoile de mer, surtout en ces temps. Elle te portera bonheur, tu verras. Mais Robert, t'arrives encore à me faire des cadeaux en cette période. Comment tu fais ? Tu serais pas un peu magicien ? Eh bien, je fais de la magie avec beaucoup de poussière. Mais tout cela n'a aucune importance. Tant que je retrouve tes beaux yeux et ton sourire. Viens dans mes bras. Ça s'est bien passé au journal ? Oui, enfin, j'ai eu une explication avec Suarez. Je refuse de faire l'apologie de Vichy contre les Juifs. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est la progression des médiocres qui, eux, font du zèle. Tiens, comme ce Lobro du diable. C'est qui celui-là ? Alain Lobro, royaliste anti-juif et pro-nazi. Chroniqueur culturel ou culturiste chroniqueur. Dénonciateur public à « je chie partout ». Je pense que c'est à cause de lui que Janson a dû démissionner. La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai foutu une gifle. Pourquoi tu perds ton temps avec ce genre d'individu ? Parce qu'il ne faut pas laisser triompher ce genre d'individu, comme tu dis. Sinon, nous allons droit dans le mur. Et puis après, c'est terminable. Es-tu sûr qu'il vaille la peine de te faire un et demi de plus ? Lobro ne mourra que de ma main. Moins fort, la fenêtre est ouverte. Et je lui ferai sortir les tripes du ventre à coups de pied. Robert, tu m'inquiètes. Tu m'as même pas dit ce que tu pensais de ma nouvelle robe. Elle est belle. Elle est émouvante. Elle ressemble à celle de la mystérieuse qui venait me visiter la nuit, il y a longtemps. Ah, oh, laisse les fantômes tranquilles. Je suis bien réelle, moi. 1941, année de mes fantômes. C'est drôle comme des phrases me reviennent, des bouts de mon existence. Dans la nuit fade, les rêves accostent à la rade pour décharger des fèves. Il est loin pourtant le temps du surréalisme. Je rêvais alors, je rêvais d'amour et de fantômes. Qu'est-ce qui me sépare du jeune homme que j'étais ? Si je le croisais dans la rue, le reconnaîtrais-je ? Et surtout, me reconnaîtrait-il ? Oui, je crois que oui. Je crois toujours qu'une vie sans amour est une vie perdue. J'aime toujours l'éclat que laissent aux yeux profonds les larmes intérieures. Oui, j'en ai versé des larmes au plus profond de moi, des larmes de joie. Pour Yvonne et pour Yuki, mes deux Y, mes deux sirènes, les deux branches d'une même étoile, d'une même mystérieuse qui se perpétue, cire amour. Rêve et réalité se confondent. Dans la forêt de Compiègne, il y a vos deux initiales que j'ai gravées sur un arbre. Ainsi je vous ai unis, à Compiègne. Compiègne, quelle était cette phrase qui me hantait lors de mes séances de sommeil hypnotique avec Breton, Ragon, Prévert et les autres, je partirai de Compiègne et j'accomplirai ma prophétie. Quelle était cette prophétie ? Puis-je défendre ma mémoire contre l'oubli ? Le 3 mars 1941, Robert Desnos, toujours rebelle et révolté, ne craignant visiblement toujours pas la censure, n'hésite pas à brocarder dans Aujourd'hui le pamphlet violemment antisémite Les Beaux Draps, signé Louis-Ferdinand Céline. Il est boursouflé, voilà tout. Ses colères sentent le bistrot, et en cela, il est, comme beaucoup d'hommes de lettres, intoxiqué par la moleskine et le zinc. L'ennui, L'ennui total me force à dormir dès les premières pages. Il représente les éléments principaux de notre défaite par l'injustice même de son succès. Les colères de Céline évoquent les fureurs grotesques des ivrognes. À quoi bon ? À quoi bon le lire ? Je vois bien pour qui il écrit. Je ne vois pas pourquoi. La réponse de Céline est cinglante. Une sommation d'huissier et une lettre envoyée au journal où Desnos s'est accusé de mener une campagne philo-youtre. Céline n'est qu'un ennemi de plus pour Desnos, qui en 1941 n'est alors pas inquiété. Le poète possède toujours de fidèles et solides amis, tous antifascistes, qui se nomment Janson, Picasso, Barreau, Éluard, sans oublier Jacques Prévert. Ce dernier est pour Desnos comme un frère en poésie et en humanité depuis une bonne quinzaine d'années. Ah, lac. Ah. Ouais, j'ai passé une de ces journées, si tu savais. Je suis désemparé. Mon vieux Jacques, j'ai de quoi te rendre le sourire. Oh, pourquoi es-tu si enjoué ? Foutu. Ils sont foutus. Je viens d'apprendre au journal, c'est encore confidentiel, que la Wehrmacht a décidé d'envahir la Russie. Tu te rends compte ? Entrer en Russie, c'est comme si tu entrais dans 5 quintals de beurre. On dit quintal ? Dans 5 quintals de beurre, parfaitement. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Opération Barbarossa, a dit Hitler. Nous sommes sauvés. Déclarer la guerre à l'URSS, tu te rends compte ? Il faut que ces Allemands soient bêtes pour s'attaquer aux Russes. Ils vont se faire massacrer. Appelle Janson, Éluard et toute la clique. On va fêter ça avec Yuki. Bah, comment veux-tu faire bombance en ce moment ? Pour ce qui est des vivres, je m'en occupe. Ah, et puis je t'ai pas dit ? Je suis pressenti pour concevoir de nouvelles émissions radio. Je te le dis, Jacques, la belle saison est proche. Ah, tu vois, je t'ai fait sourire. Non, je souris parce qu'il y a un petit timide qui semble nous espionner là-bas. Là-bas derrière le bar. Un mouchard ? Non, pas du tout. C'est un jeune idéaliste qui aime la littérature et t'admire depuis longtemps. Tu devrais lui parler. Hé, hey, vous là ? Oui, vous. Venez voir. Alors comme ça, il paraît que vous me connaissez ? Me dit mon petit doigt qui a pour nom Prévert. Monsieur Desnos, je vous lis depuis longtemps et j'écris. Je ne sais pas comment vous demander ça, mais j'aimerais travailler pour vous, passer du temps avec vous. Vous êtes mon héros, et depuis longtemps. Eh bien, je ne savais pas que j'étais devenu le héros des enfants. C'est très flatteur. Héros, héros, c'est la vie. Comment vous appelez-vous, jeune homme ? Alain Brieux. Et quel âge avez-vous ? 19 ans. J'ai tellement à apprendre de vous. Je veux tout abandonner pour faire comme vous. Écrire et mener une vie libre. Alors, je dois vous mettre en garde. Ne confondez pas la liberté et la misère. Et soyez sûr que celle-ci n'apporte rien à l'exercice d'un art. Au contraire, elle l'entrave et parfois le déshonore. Hein, Jacques ? Oui, c'est vrai. Et que me conseillez-vous ? Travaillez, sans relâche. Vous êtes jeune et par conséquent, vous ne devez compter sur aucune bouée pour vous maintenir, mais seulement sur vos propres forces. Ne vous accrochez à rien. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui reste, mais ce que l'on est. Tout tient dans cette règle de vie que je m'applique à suivre. Être un homme et aimer la vie. Et sur le tableau noir du malheur, dessiner le visage du bonheur. Ça, je crois que je peux faire. Alors, joignez-vous à nous. Et pour commencer, partons fêter la défaite des Allemands. Comme elle tarde à venir, cette défaite. Mais je ne désespère pas. Peut-être faudra-t-il que j'emmène Yuki quelque part, que je la mette à l'abri. Ses vacances l'été dernier à Compiègne nous ont fait tellement de bien. Nous pourrions y retourner cueillir des champignons. Un peu de temps passé ensemble loin de Paris. Un peu de temps passé à vivre, à rêver. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Il est loin ce poème. Pourquoi faut-il que je repense autant au passé en ce moment et que je m'angoisse comme ça ? Robert, reprends-toi. Bien sûr, il y a les habituels empêcheurs de tourner en rond, mais ils ne disposent de rien contre moi. Et si tout de même on m'arrête, après ce que j'ai fait ? Eh bien, advienne que pourra. J'ai peut-être trop déblatéré sur les Allemands, les collabos et le gouvernement de Vichy, mais je ne regrette rien. Pourquoi avoir peur ? Ce n'est pas parce que Breton parlait de moi comme un prophète que tout ce que j'ai dit ou écrit va se réaliser. Il n'y a pas de prophétie qui vaille. Les Allemands et les collabos sont bientôt foutus, de toute façon. Aïe, mes douleurs à l'épaule reprennent. Et cette demi-ankylose du bras, idiot de muscles, tu te détériores ? Eh bien, on se fout de toi. En mars 1942, pendant un hiver parisien glacial, Robert Desnos, particulièrement inspiré, achève d'écrire son roman « Le vin est tiré », consacré aux ravages de la drogue et à la figure d'Yvonne Georges, son premier grand amour avant Yuki. Le 14 mars, paraît aux éditions Gallimard un recueil de poèmes de Desnos, « Fortune ». Le 29 mars, le port de l'étoile jaune est imposé à tous les juifs de la zone occupée. Le premier convoi de déportés vers Auschwitz part de Drancy. Puis dans la nuit du 16 au 17 juillet 1942 est déclenchée la grande rafle du Veldiv. L'événement bouleverse le poète. C'est un des déclics qui le pousse à s'engager plus avant et à passer dans l'action clandestine. Comment ont-ils pu oser ? Toute cette pourriture qui prolifère autour de nous, ça déraille complètement, Jacques. Et personne ne dit rien. Il faut absolument débarrasser le monde d'Hitler, de sa clique de salauds et du maréchal Dukono. Fais attention à tes paroles, Robert. Le parc est rempli de mouchards. Des Brasillacs qui a osé écrire « Débarrassez-nous des juifs en bloc et surtout, n'oubliez pas les petits, c'est-à-dire les enfants. On peut quand même pas rester sans rien faire, les bras croisés. » Toi qui as toujours refusé d'entrer dans un parti, t'as d'autres moyens de combattre, tu sais. Moins visible peut-être, mais tout aussi important. La poésie. La poésie ne suffit pas. Et le meilleur poème n'assouvit pas son auteur. Désolé, mon vieux. Eh là, c'est bien la première fois que je t'entends vouloir reprendre pied dans la réalité. Et Yuki, qu'est-ce qu'elle en dit ? Elle ne sait rien de mes projets. Elle est en Normandie en train de se refaire une santé. Enfin, de pousser la romance avec d'autres que moi. Et ça te rend pas plus triste que ça ? Qu'est-ce que tu veux ? Je suis voué à l'attendre, à l'imaginer dans les bras de ses amants. Yuki profite de la vie, mais elle en profite sans moi, avec d'autres. Et elle dépense sans compter. Ça m'en fout. Mais je l'aime, mon vieux. Et ce que j'aime le plus au monde, c'est son sourire. Méfie-toi des sourires des sirènes, Robert. C'est un vieux flibustier qui te le dit. Mais revenons à nos affaires. Qu'est-ce que tu vas faire alors ? Quitter le journal ? Oh non, bien au contraire. Profiter de ma position pour transmettre des informations. Je me sens à l'aise désormais de travailler à aujourd'hui. Tu vas donc devenir un dangereux agent double ? Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais tu devrais peut-être y réfléchir à deux fois, Robert. C'est tout réfléchi. En définitive, ce n'est pas la poésie qui doit être libre. C'est le poète. Tu parles comme dans un livre. Fais-moi penser à te présenter quelqu'un qui parle un peu comme toi. C'est ainsi qu'à l'été 42, semble-t-il, Robert Desnos entre dans la résistance. Il intègre le réseau Agir comme agent P2 sous les ordres de Michel Hollard. Son poste, à aujourd'hui, lui permet de fournir des informations concernant les Allemands qu'il dérobe dans le bureau du directeur, Georges Suarez. Prêt à aider tous ceux qui en ont besoin et qui courent un danger, résistants ou juifs, il fabrique de faux papiers et prend de plus en plus de risques. Le 16 septembre 1942, il s'attaque à Pierre Pascal, rédacteur en chef de l'Appel, revue collaborationniste. Pascal envoie immédiatement une lettre de protestation au directeur d'aujourd'hui, traitant Desnos d'antifasciste éprouvé, enjuivé d'avant-guerre, surréaliste communisant. À la suite de cette affaire, le poète est cantonné aux critiques de disques. Il est temps pour lui de se faire un peu oublier. Parfaite occasion pour rejoindre Yuki à Caen, le 17 septembre 42. Ah, mon petit Robert, si tu savais comme tu m'as manqué, j'en pouvais plus d'attendre sur ce quai. Oui, enfin, t'as trouvé de quoi passer le temps, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ah non, écoute, hein, on va pas y revenir. Des crises de jalousie, ça suffit comme ça. Je t'aime, t'es mon poète, mais tu sais bien que je défends l'amour libre. Si ça te convient plus, dis-le-moi tout de suite et retourne dans ton train. Excuse-moi, ma chérie, un moment de découragement dû à mes problèmes à Paris. Je suis un peu nerveux, voilà tout. Qu'est-ce qui va pas à Paris ? C'est le journal ? Tu files du mauvais coton ? Non, rien. Un imbécile qui veut me mettre 12 balles dans la peau. Ah, tu sais, j'aimerais parfois être aussi libre et insouciant que toi. Mais t'es l'homme le plus libre et le plus courageux que je connaisse, mon chéri. T'écris, tu vis et t'agis comme tu penses. Jusqu'à tes actions clandestines. Qui t'en a parlé ? Mais enfin, Robert, tu croyais vraiment que je me doutais de rien ? T'es de plus en plus occupé, tu passes ton temps à pester contre le nazisme, contre l'oppression, contre ce que devient la France. Tu me dis rien de tes affaires car je sais que tu veux me protéger, mais n'oublie pas que moi aussi je peux te protéger. Quand je te vois comme ça, avec ton air lunaire et tes lunettes de myope et ton corps de poète, j'ai peur pour toi. Je te demande pas de me dire dans le détail tout ce que tu fais, mais fais-moi un peu confiance. On fait la paix, alors ? Et même, on fête notre réconciliation. Regarde ce que j'ai sous mon manteau. Du champagne ? Où t'as pu trouver ça ? Ça, c'est mes affaires à moi. Mais dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ton réseau de résistance? Eh bien, je peux juste te dire que je n'aime plus la rue Saint-Martin. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la rue de ton enfance. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. André Platard? Un de tes camarades? Et je n'aime plus la rue Saint-Martin. Je n'aime rien, pas même le vin. C'est mon ami, c'est mon copain. Il a disparu un matin. Ah, j'ai compris. C'est un poème. La résistance s'organise d'abord par la poésie, ma grande chérie. Ah, ta poésie. C'est d'abord par là que tu m'as eu, c'est sûr. Allez, je te sers un verre. Tu veux trinquer sur un quai de gare? À la folie et au beau verre de Robert. Eh bien, à la vie et aux beaux yeux de Yuki. Le 11 novembre 1942, la zone sud de la France est envahie par les Allemands. Le 30 janvier 1943, la milice française est créée, ce qui insupporte encore plus Desnos. Une bonne nouvelle néanmoins dans ce cloaque. Le 2 février 1943, la défaite des Allemands à Stalingrad. Robert Desnos, que cette nouvelle enthousiasme, est de plus en plus actif dans la résistance. En même temps, il compose des poèmes anti-nazis et des textes contre la collaboration dans des revues clandestines. Parallèlement, paraît en avril 1943 son recueil de poèmes « État de veille » aux éditions Gallimard. À cette même période, le poète écrit « Contrée », dans lequel il témoigne de son engagement pour la liberté. Un jour de mai 1943, Desnos retrouve Alain Brieux, son jeune admirateur. Eh bien alors, comment va Alain? Fait pas chaud, hein? Allez, fais quelques pas avec moi, j'ai un rendez-vous important. C'est une catastrophe. Je viens de recevoir une convocation pour faire le service du travail obligatoire en Allemagne. Je veux pas y aller. Ouais, Théo, hein, mon pauvre vieux. Et si tu te présentes pas, ils vont venir te chercher chez toi. Oh, t'en fais pas. T'as qu'à venir te planquer chez nous, rue Mazarine. Je te fabriquerai des faux papiers et on continuera ton éducation littéraire. Pas question de te laisser partir en Allemagne à travailler dans leurs usines d'armement. Mais je serai un réfractaire. Réfractaire. C'est un beau mot, tu trouves pas? Surtout en ce moment. Je veux surtout pas vous attirer des ennuis. Alors d'abord, tu vas commencer par me tutoyer, gamin. Depuis le temps. Et Yuki? Yuki, j'en fais mon affaire. Je suis sûr qu'elle sera très heureuse de t'avoir à la maison. Que puis-je faire pour vous remercier? Pardon, pour t'être utile à quoi que ce soit dans la maison? Eh bien, tu commenceras par m'aider à faire du tri dans ma bibliothèque. Elle en a bien besoin. Bon, je te laisse, j'ai des choses à régler. Robert Desnos, grâce à son ami Prévert, vient de faire la connaissance d'André Verdet, poète, résistant, membre du réseau Combat. En compagnie de Verdet, Desnos va participer à plusieurs actions risquées et violentes sur lesquelles il garde le secret. Attaque du commissariat du 15e arrondissement, tentative d'attentat contre un inspecteur de police, porte de Charenton, et peut-être même le meurtre d'un officier allemand, cité dans un poème de Desnos. Parallèlement, Alain Brieux trouve refuge au 19 rue Mazarine pendant 8 mois, de juin 1943 à février 1944. Desnos le met à contribution pour fabriquer des faux papiers ou photographier des documents secrets qui sont ensuite transmis au réseau Agir. Le poète reprend des forces lors de ses vacances avec Yuki en août 1943 dans la forêt de Compiègne. Rentré à Paris en septembre, il prend de plus en plus de risques jusqu'à participer probablement à un acte de sabotage pour faire sauter un dépôt de munitions à la gare de Maintenon le 18 février 1944. Le lendemain, Desnos écrit sur la joie et la force du destin. Le 21 février 1944, Robert, dans son journal, se remémore son enfance, sa mère, Paris et l'église Saint-Merry. Décidément, les souvenirs et les prophéties m'envahissent. Heureusement, quand je pense aux documents que j'ai transférés, aux vies sauvées et aux combats menés, cela me redonne le moral. Mais si je meurs, que restera-t-il de moi? Je suis à peu près sûr qu'on ne retiendra que mes poèmes pour enfants. Ma fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. J'appartiendrai au chapitre de la curiosité limitée. Mais enfin, pourquoi penser à ce que je laisserai? Je ne suis pas encore mort. Peut-être parce que je peux être arrêté à tout moment. Et j'ai toujours préféré ne pas contrarier mon étoile, même si elle doit me mener à la mort. Ce serait bien tout de même de prendre un peu l'air, d'emmener Yuki à Belle-Île ou à Compiègne, loin de tout ça. Pourquoi je repense à Compiègne? Tiens, l'aube se lève. Ah, ce soleil me redonne des forces et me fait tout oublier. Je voudrais naître chaque jour sous un ciel neuf. Voilà un vers dont je suis fier. Qui peut bien appeler sitôt ? Allô ? Ah bon ? Vous êtes sûr ? Allô ? Robert, c'était Madame Guimier au téléphone. La Gestapo est passée au journal pour t'arrêter. D'ici à une dizaine de minutes, ils seront ici. La Gestapo ? Ah, nom de Dieu. Il faut cacher le petit Brieux. Où est-il ? Il est en train de se raser. Alain ! Alain ! Qu'y a-t-il ? La Gestapo arrive dans 10 minutes. Déguerpis au plus vite. S'ils te découvrent, ils vont dire que tu es un réfractaire. Et on va tous les deux passer à l'abattoir. Mais je peux pas partir comme ça. Et vous ? Prends vite tes affaires et discute pas. Et toi, Robert, pars avec Alain, qui te trouve pas ici. Je serai là pour leur répondre. Je ne veux pas qu'ils t'emmènent à ma place, ma chérie. Mais Robert, je suis dans aucun réseau, y a pas de danger pour moi. J'y vais alors. Mais Robert, il faut que vous partiez, vous aussi. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est ? Un paquet à jeter le plus vite possible, dans le premier égout que tu trouves. Au revoir, Robert. Au revoir, Yuki. Et merci pour... Ne perds pas ta salive, gamin. On se reverra, c'est sûr. Et n'oublie pas, sois un homme... Et aime la vie. Au revoir, Alain. Fais attention à toi. Qu'est-ce qu'il y avait dans le paquet ? Des documents sur des emplacements d'usines et des dépôts d'armes allemands. Oh, Robert, t'es tellement imprudent. Il reste peut-être ailleurs d'autres papiers ? Ne t'inquiète pas. Les nazis n'ont aucune preuve contre moi, j'en suis sûr. Il ne me restait que le petit paquet que j'ai donné à Alain. Je me suis débarrassé de tous les autres écrits compromettants. Ils viennent t'arrêter, je te dis ! Nous n'avons plus beaucoup de temps. Pars maintenant ou cache-toi ! Jamais de la vie. Je reste. Ils arrivent. Ne t'en fais pas. Ça doit être une dénonciation diffamatoire. Encore un coup de Lobro, de Pascal ou de Céline. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous cherchons monsieur Desnos Robert, journaliste. Je suis là. Ah. Bon. Je croyais trouver madame toute seule. Vous paraissez déçue ? C'est que... Je ne fais qu'exécuter des ordres, madame. Une bien basse besogne en ce moment. Tais-toi, Robert. Désolé, monsieur, mais nous allons devoir fouiller votre appartement. Mais je vous en prie. Je n'ai rien à cacher si ce n'est des poèmes inédits. Rose, c'est la vie. Pardon ? Eros, c'est la vie. Et Thanatos, c'est vous. Vous parlez en langage crypté. C'est peut-être un mot de passe dans votre réseau ? Ne faites pas attention, monsieur l'officier. Robert est un poète surréaliste. Vous faites preuve d'un peu trop de liberté, monsieur Desnos. C'est également ce que nous ont dit nos informateurs. La liberté, c'est ce à quoi je tiens le plus au monde, mon cher monsieur. N'en déplaise à vos informateurs. Aragon Louis, Bourdet Maurice, Éluard Paul, Merdé André. La liste du réseau. Qu'est-ce que c'est que cette liste, monsieur Desnos ? Si vous étiez si informé, vous sauriez que je ne suis pas seulement journaliste. Je suis aussi écrivain. Et ce papier est la liste des critiques qui peuvent parler de mes œuvres. Bien. Veuillez me suivre maintenant, monsieur Desnos. Mais il faut pas pleurer comme ça, voyons, Yuki. Je fais un petit tour en compagnie de monsieur et je reviens. Tiens, garde mon stylo. Je n'en aurai pas besoin là où je vais. Garde-le. Je reviendrai le chercher. Jamais d'autre que toi, ma chérie. Monsieur Desnos, il est temps d'y aller. Vous pouvez emporter quelques objets de toilette. Mais vous l'emmenez où, monsieur ? Je n'ai pas le droit de vous le répéter. Allez voir rue des Saussets. Allons-y. Dès ce jour, Robert Desnos est emprisonné, torturé rue des Saussets, siège de la Gestapo. Quelle est la cause de son arrestation ? L'attentat à la grenade, porte de Charenton, l'activité du poète dans le réseau Agir et les informations confidentielles qu'il aura communiquées, ses articles, écrits dans Aujourd'hui, incitant à mots couverts à combattre l'Allemand, la cache d'un réfractaire, Alain Brieux qui a réussi à s'échapper et est activement recherché, les armes cachées dans la cour de l'immeuble. À moins qu'Alain Lobro, l'ennemi juré de Desnos, ne l'ait tout simplement dénoncé. Yuki, de son côté, remue ciel et terre pour essayer de libérer Desnos. En vain. Le poète, ironie du sort, est acheminé jusqu'à Compiègne. L'ultime message non censuré que le poète enverra à Yuki sera celui-ci. Ma chérie, mes baisers avant le départ. Je pars confiant en toi, rassuré sur ta vie et la conduite de mes amis. Compte sur moi et mon étoile. Baisers à Lucienne et tous. Baisers à toi. Et c'est dans un convoi en partance de Compiègne que Robert Desnos finit par accomplir sa prophétie, ce dont Louis Aragon témoignera plus tard dans un poème lui rendant hommage. Il est déporté à Auschwitz, Buchenwald, Flossenbürg, Flöha et meurt du typhus à 45 ans dans le camp de Térésine en Tchécoslovaquie le 8 juin 1945, peu après l'arrivée des troupes russes. Il meurt donc en homme libre. Les derniers vers de son poème, l'épitaphe, paru en 1944 pendant sa déportation, parlent pour lui. Vous qui vivez, qu'avez-vous fait de ces fortunes? Regrettez-vous les temps où je me débattais? Avez-vous cultivé pour des moissons communes? Avez-vous enrichi la ville où j'habitais? Vivant, ne craignez rien de moi, car je suis mort. Rien ne survit de mon esprit, ni de mon corps. La prophétie de Robert Desnos, de Gabriel Dufay, avec Gabriel Dufay, Robert Desnos, Marie Vial, Yuki, Simon Bakouche, Jacques Prévert, Mathias Jungers, Alain Brieux et Jochen Hegele, un officier de la Gestapo. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour et Lidwin Caron. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Cédric Ossir. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur Robert Desnos avec mon invité Anne Egger. Darling, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas what to do. Vous avez completely stolen my heart. Midi et le soir, toujours wondering where you are. That's the way I felt right from the start. Ah, chérie, my love for you is wish my French were good enough. Oh, I tell you so much more. Mais j'espère que tu as compris all the little things you do to me. Darling, je vous aime. I love you. Lucie Dixon, Darling, je vous aime beaucoup, adaptée d'un grand succès de Jean Sablon. Vous écoutez France Inter, Auteur n'emporte l'histoire, une émission réalisée par Michel Biou, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Julien Michel. Anne Egger, je le rappelle, vous êtes l'auteur d'une biographie de Robert Desnos. Nous venons de le quitter au moment de son arrestation chez lui à Paris, c'était le 22 février 1944. Est-ce qu'on sait aujourd'hui exactement la raison de son arrestation ? Non. Pas vraiment. On a des suppositions. N'oubliez pas que la Gestapo est venue le cueillir au journal, d'abord. Donc ça a à voir avec son activité de journaliste et de voleur de documents pour la résistance. Après, il a été ami avec des tas de gens qui faisaient partie d'autres réseaux. Il a fait aussi de l'action directe. Lui-même disait, à ses petits compagnons de déportation, que les Allemands n'avaient jamais su exactement ce qu'il avait fait. Il en était sûr, parce que si il avait effectivement tué son Allemand et que la Gestapo l'avait appris, il aurait été exécuté, il n'aurait pas été déporté. Parce qu'il le dit dans un poème, il dit qu'il a tué un officier allemand, c'est assez extraordinaire. Il dit ça dans un poème qui s'appelle « Le pont au change », c'est bien cela ? Alors, il le dit, mais ça peut être une métaphore aussi. Ça, on sait qu'il détestait les Allemands. Enfin, il vivait très mal l'occupation et il le vivait d'autant plus mal que ça faisait déjà 4 ans que la France était sous le joug et de Pétain et de l'Allemagne. Et Lobro, donc celui qui écrivait dans « Je suis partout »,« Je chie partout », comme il le dit, Robert Desnos, est-ce qu'il a une part de responsabilité, à votre avis, dans la dénonciation, peut-être, alors, de Desnos ? Alors, il n'y a pas de témoignage de ça. On sait que Lobro, une fois que Desnos s'était arrêté et envoyé à Compiègne, Yuki a fait beaucoup de choses pour essayer de le sortir de là et aurait pu aboutir à au moins à ce qu'il ne soit pas déporté en Allemagne. Et là, Lobro, effectivement, est intervenu pour qu'il soit déporté. Ça, on le sait par différents témoignages de ses amis. Mais il n'y a aucune preuve de la dénonciation. Et j'ai fait beaucoup de recherches aux archives nationales en ce sens pour essayer de voir ce qui se passait. Il n'y a pas de preuve. Alors, je parlais à l'instant du sens peut-être caché que pouvaient avoir certains poèmes de Robert Desnos. Le recueil de comptines pour enfants, bien connu, chant de fable, qui a donc été écrit en 1944, est en apparence tout à fait innocent. Encore aujourd'hui, les enfants le lisent, apprennent certains de ses poèmes. Mais on dit aussi que ces poèmes étaient cryptés par Robert Desnos et qu'on peut y voir un double sens. Même la fourmi de 18 mètres de long, dites-vous dans votre livre, Anne Eger, a un double sens. Oui, quand on lit attentivement une fourmi de 18 mètres, avec tous les détails qu'il donne, on pourrait totalement le rapprocher d'un train, avec tous ces différents personnages qui parlent des langues différentes, dont le javanais représente toutes les nationalités de déportés. Il faut dire que pendant la guerre, il a écrit différents poèmes ou articles dans la presse qui étaient tous un peu codés. Il y a une chronique qu'il a écrite à un moment qui s'appelait « Mine de rien ». Donc il fallait chercher un petit peu le sens. Il a écrit aussi des poèmes en argot, dénonçant Pétain et la clique autour Pétain de lui. Pétain qu'il appelait le maréchal Duconneau. Voilà, exactement. Et il a ensuite écrit ses poèmes pour enfants, peut-être parce que justement c'était une manière beaucoup plus anodine de pouvoir dénoncer l'occupation, l'Allemagne, la déportation des enfants aussi, qui l'avait beaucoup choqué. Et en relisant tous ces poèmes-là, où il utilise à la fois des langages métaphoriques et puis un peu d'argot. Oui, ça peut avoir beaucoup de sens différents. Le surréalisme au service de la résistance. C'est exactement ça. Alors, Robert Desnos va être torturé par la Gestapo, déporté dans les camps nazis. Il va tenter de résister très longtemps à la mort, qui le rattrapera, hélas, malgré tout, le 8 juin 1945, donc un mois après la capitulation de l'Allemagne. C'est terrible. Que sait-on de ces 16 mois de captivité de Robert Desnos ? Alors, d'abord, il a survécu à 16 mois de captivité, ce qui est énorme dans les conditions que l'on connaît. La moyenne de survie était généralement de 3 mois pour les plus résistants. Donc, il a eu une déportation qui était aussi extraordinaire que sa vie, si on peut le dire comme ça. Plusieurs camarades qui sont rentrés ont pu témoigner de tout ce qu'il a fait pendant ces mois de captivité. Il était... très présent auprès des gens, très présent auprès de ses camarades. Il essayait de les détendre, de les rassurer, en lisant les lignes de la main, en interprétant leurs rêves, en leur racontant des histoires, en leur racontant ce qu'il allait écrire une fois qu'il serait libéré, ou en inventant des recettes de cuisine. Voilà, il voulait donner espoir, et même s'il savait que certains ne rentreraient pas. Et il espérait profondément pouvoir rentrer, d'autant qu'ils avaient quelques nouvelles. Ils ont appris la libération de Paris en août 1944, le débarquement, bien sûr, et toutes ces nouvelles devaient donner un peu d'espoir. Alors oui, pour la plupart, pour Desnos, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je pense que toute son action dans la résistance et le fait qu'il soit laissé arrêter et dire, en allant en Allemagne déporté, bah, je vais visiter un nouveau pays, c'est bien. Oui, c'est assez incroyable, cette réaction de Robert Desnos, qui voit ça comme une aventure, enfin du moins, peut-être qu'il c'est une manière de compenser sa peur, son inquiétude. Peut-être, mais je pense aussi qu'il était certain de... Enfin, on parlait de prophétie. Je pense qu'à un moment, il s'est dit qu'il ne rentrerait pas, il le savait, mais qu'il allait tout faire pour résister le plus longtemps possible. Avant de terminer, j'aimerais, Anéga, vous faire entendre la voix de Robert Desnos. C'était sans doute en 1938, la date n'est pas certaine, pour une série radiophonique que Robert Desnos avait créée, qui s'appelait La Clé des Songes. Écoutez, c'est le seul témoignage sonore existant de la voix de Desnos. Je me trouve tout d'un coup dans un pays étrange où le vent souffle avec violence. Nous étions toute une bande qui marchions en chantant. Marjolette, Cabiflon, la belle digue-digue, la belle digue-don. Les autres allaient très vite. Moi, je ne pouvais pas arriver à les suivre, malgré mes efforts. Attendez-moi, attendez-moi. Marjolette, Cabiflon, la belle. Soudain. Devant nous, il y avait... Mais qu'est-ce que c'est que ces saletés, des hippopotames? Oui, des hippopotames, tout là. Oh, ça leur s'est inouï. Ils se mettent tous à fuir. Moi, je ne pouvais plus bouger mes jambes. Et tout à coup... J'étais en train de marcher sur Max Rainier qui était allongé par terre et qui était long de 30 mètres et couvert de taches comme un corps de girafe. Desnos qui raconte son rêve, qui tente de courir au milieu des hippopotames et des girafes. Encore un rêve prémonitoire, Anéguer? Sans doute, sans doute. Mais déjà dans les années 20, il dessinait, pendant les périodes de sommeil hypnotique, il dessinait beaucoup de trains qui partaient. Ouais, beaucoup de rails. Déjà, ouais. C'est un homme très drôle, non, Robert Desnos? Qui aimait faire des blagues, on le sent, on l'entend dans sa voix. Ah, il a beaucoup d'humour, il a beaucoup de finesse. Il aime tellement les gens qu'il se comporte toujours bien avec eux. Et Yuki, qu'est-elle devenue, donc, la tendre, la douce, l'étonnante compagne de Robert Desnos? Elle a d'abord fait la fête, une fois qu'elle a récupéré les cendres de Desnos. Oui, donc les cendres ont pu être récupérées et ramenées à Paris. C'est ce qui est extraordinaire pour un homme comme lui, c'est à l'image de sa vie, c'est qu'il a été déporté, mais les derniers jours qu'il a passés à Térésine, il a été reconnu comme le poète surréaliste, Robert Desnos. Et par donc, deux jeunes tchécoslovaques qui étaient donc dans le camp et qui se sont rendus compte que c'était Robert Desnos qui était en train de mourir du typhus. Ils l'ont reconnu d'après une photo de revue qu'ils avaient de l'époque et ils l'ont accompagné jusqu'à ses derniers instants et ils ont pu prévenir les autorités et la famille. Donc Yuki a fait la fête, elle a rassemblé tous ses copains. Il y avait tellement de monde qu'elle ne pouvait pas les recevoir rue Mazarine, alors elle a choisi de les réunir dans l'église de Saint-Germain-des-Prés, ce qui a beaucoup énervé des gens comme Prévert ou ça c'était assez mieux. Bon, elle a fait la fête en son honneur, mais j'ai pas tellement envie de parler de la suite de Yuki. Voilà, elle a mené sa plus belle vie avec Desnos. Robert Desnos, c'est un poète à redécouvrir, à lire, j'imagine, pour vous, Anéguer. Ces recueils de poèmes sont disponibles en livre de poche? Pratiquement tout en livre de poche, ou en quarto, un quarto qui rassemble à peu près tout ce qu'il a écrit. Et oui, il faut le lire parce que c'est un homme libre et c'est un homme qui est revigorant. Je sens que vous êtes un petit peu amoureuse de lui, Anéguer. Un petit peu. Merci, Anéguer. Je conseille la lecture de votre biographie, vraiment passionnante, Robert Desnos, qui est publiée chez Fayard. Je signale également que Gabriel Dufay, donc l'auteur du texte de ce soir et le comédien qui a interprété Desnos, reprend fin novembre son spectacle sur le poète, Journal d'une apparition, créé l'année dernière au Théâtre de Chaillot, et qui sera donc repris les 24 et 25 novembre au Théâtre des Arts de Cergy-Pontoise. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pourrez aussi réécouter Joseph Méric, Une vie d'homme éléphant, La marquise d'Urfé, La sublime folle de Casanova ou encore 1940, Max Ernst et Leonora Carrington, Une passion en temps de guerre. La semaine prochaine, nous partons au début du XVIIe siècle sous le règne d'Henri IV, le roi qui a osé réconcilier protestants et catholique et qui est menacée de mort. Une femme, Jacqueline d'Escommant, tente d'alerter les autorités de l'imminence d'un attentat mené par un certain Ravaillac. Mais personne ne va l'entendre. On veut tuer le roi, un vrai thriller politique, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour son émission État d'esprit. Très bonne soirée sur France Inter.